Chapitre 8, la lutte collective. La plupart des grands changements qui sont intervenus dans l'histoire proviennent de mouvements, d'engagements de groupes de personnes qui se sont redressés sous le joug des oppresseurs. Ce sont les luttes sociales qui ont permis de se libérer de l'esclavage, du colonialisme, de l'apartheid. Ces hommes et ces femmes ont résisté à ce qu'ils ne toléraient plus. On dit que nous avons tous une résistance au changement. Il faut distinguer si le changement ou l'ordre imposé est légitime ou contraire à ses valeurs, à ses principes. On peut résister au changement, parfois même si on se plaint de la situation actuelle ou tout simplement parce qu'on en bénéficie et qu'elle nous convient. Mais j'évoque les cas où l'on n'accepte pas la situation au nom d'une valeur, d'un principe qu'on juge supérieur. Certains vont même jusqu'à mettre leur vie dans la balance. En histoire, on a vu où mènent les révoltes. Bien sûr. Vous avez appris à l'école que beaucoup de soulèvements se sont terminés dans un bain de sang, même quand ça avait démarré joyeusement. L'écrasement de la Commune de Paris, la révolte des Canuts de Lyon, le carnaval de Romans constituent malheureusement des exemples sanglants et démontrent la force de ceux qui ne veulent rien changer à un système injuste. Ce n'est pas heureusement toujours le cas. Et si tu es aujourd'hui relativement libre de t'exprimer, de vivre dans un certain confort, tu le dois, n'oublie jamais, à tous ceux qui se sont battus avant toi pour ta liberté, pour améliorer tes conditions de vie. Tu veux parler des syndicats ? Les luttes syndicales ont beaucoup fait pour améliorer le sort des travailleurs. Dans le cadre de la mondialisation, j'espère qu'elles vont se développer. L'idéologie libérale prône une concurrence libre et non faussée. Eh bien chiche, que demain l'ouvrier philippin, le chauffeur polonais, le mineur zambien gagnent autant que ceux qui exercent le même métier chez nous, qu'ils bénéficient des mêmes protections physiques, sociales, environnementales, des mêmes règles et des mêmes normes. Ça devrait être ça la mondialisation, que les multinationales n'exercent plus un quasi-monopole dans leur secteur d'activité. Alors, ok pour cette mondialisation. Je te sens en colère. Oui, en colère contre la terrible hypocrisie de nos dirigeants qui ne veulent pas voir combien la dérégulation conduit à la misère, à la perte de dignité, qui ne veulent pas reconnaître, quel que soit leur parti politique, leur complicité avec cet ordre du monde injuste, scandaleux, qui condamne à la misère des millions d'humains sur Terre. Mais il y a bien des exceptions tout de même. Oui, tu as raison, il faudrait citer les hommes politiques qui ont pris des décisions à contre-courant. De Che Guevara, Mendès France, Vaclav Havel, Nelson Mandela, De Gaulle, Churchill, Louise Michel, Simone Veil, Aung San Suu Kyi. La liste est longue de tous ceux et celles qui ont lutté et fait naître des mouvements de contestation de l'ordre établi. Des Black Panthers au printemps arabe en passant par mai 68, Solidarité. Tu oublies de citer les ONG. Bien sûr, beaucoup font un travail formidable sur le terrain avec beaucoup de dévouement, parfois même au risque de leur vie pour secourir des populations en détresse. Aide médicale, aide logistique, aide juridique, aide technique, les domaines d'intervention ne manquent pas. Attention toutefois au risque de mise en dépendance des personnes aidées, comme par exemple dans l'aide alimentaire. Il faut bien secourir ceux qui meurent de faim. Oui, si l'aide humanitaire vise à développer leur indépendance et leurs activités locales. Attention, apporter des denrées alimentaires peut entraîner la ruine des cultures vivrières. L'aide est une attitude ambiguë si elle ne vise pas l'autonomie et la dignité des personnes. Que peut-on faire ensemble sans aller au bout du monde ? Eh bien déjà, se rassembler avec ceux qui, autour de toi, veulent défendre la même cause. Se regrouper avec ceux qui la partagent. Aussi bien pour aider des jeunes à comprendre la société, à rompre la solitude de certaines personnes âgées, à jouer ensemble de la musique, à se former à la gestion non violente des conflits, se lutter à distance contre les traitements dégradants. Il y a aussi ceux qui s'engagent dans un parti politique. C'est un choix respectable et je suis admiratif de voir l'énergie que déploient certains pour faire advenir un modèle de société plus juste, plus équitable, plus fraternel. Par contre, dès que grandit leur organisation, ils encourent le même risque bureaucratique des institutions. c'est-à-dire une organisation qui, progressivement, consacre davantage d'énergie à son fonctionnement interne qu'à sa finalité originelle. Beaucoup de mouvements généreux au départ se sont ainsi enlisés jusqu'à trahir leurs idéaux. Communisme, libéralisme, islamisme, sionisme, christianisme... Oula ! Toi aussi tu généralises. Merci de nuancer. Entraîné par l'élan, je confondais en effet certaines dérives d'appareils avec la générosité de bon nombre de militants. Certaines organisations essaient d'être vigilantes pour rester fidèles à leur vocation. Par exemple, dans le christianisme, tu peux trouver des courants très différents, des plus conservateurs aux plus progressistes. Et le nouveau pape, tu le situes comment ? Dans l'histoire de l'Église, le pape François apparaît novateur dans sa volonté d'appliquer les fondamentaux du message évangélique, de débureaucratiser l'institution Église, de s'appuyer davantage sur les fidèles, de donner aux femmes un peu de pouvoir, pouvoir confisqué par des hommes en robe d'ailleurs, analyser et agir sur les causes d'injustice en dépassant l'attitude traditionnelle de compassion charitable, plutôt que de se cramponner sur les dogmes. J'aime bien l'idée du retrait de Dieu après la création. Il nous aurait confié la terre et nous laisse libres, gardiens de la création et de nos frères. On touche à la culture. Oui, on peut aussi s'investir dans la culture. La pratique artistique comme spectateur, et a fortiori comme pratiquant, contribue à l'ouverture de l'intelligence et au rapprochement des cœurs. L'homme ne vit pas seulement de pain. Il convient de se battre pour préserver ce qui fait la beauté du monde, la poésie, la richesse de nos différences de sensibilité. Chacun doit faire sa part. Oui, je vois que tu connais la légende du colibri qui apporte sa goutte d'eau pour lutter contre l'incendie. Aujourd'hui, c'est devenu d'ailleurs l'emblème d'un mouvement qui fédère plus de 4000 personnes et beaucoup d'initiatives fort sympathiques. Oui, chacun doit apporter sa pierre à la construction d'un monde meilleur, plus juste et plus fraternel. Ne pas attendre que les autres ou le gouvernement donnent l'exemple. Chaque citoyen a le pouvoir de faire quelque chose à son niveau. Surtout en démocratie. Oui, la démocratie, attention, n'est qu'un processus, celui de la recherche permanente du meilleur compromis entre les différentes logiques qui s'affrontent légitimement. La prise de décision doit privilégier l'intérêt général et non pas des intérêts catégoriels particuliers. Les intérêts des financeurs sont bien représentés dans les instances de décision par nombre d'élus porte-parole de puissants lobbies. C'est actuellement la seule pression que subissent les députés et les sénateurs, puisque la masse des électeurs s'abstient, ou alors se contente de voter, puis de rester ensuite passif pendant plusieurs années. Que veux-tu qu'ils fassent de plus ? S'intéresser à la politique avec un grand P, c'est-à-dire à l'organisation de la cité, du comment vivre ensemble, s'approprier ce qui les concerne, par exemple les décisions locales pour l'accès à l'eau potable, à la santé, aux transports collectifs, aux énergies renouvelables, aux circuits courts d'alimentation, aux emplois locaux, faire pression sur leurs élus pour qu'ils défendent vraiment l'intérêt général. Ils ne veulent pas de conflit. Mais le conflit est fécond. C'est même la base du processus démocratique. Attention, j'entends par conflit la confrontation sereine de logiques différentes. L'affrontement courtois, mais ferme, des connaissances, des représentations du monde. Les débats ne doivent plus être confisqués par des spécialistes, car aucun ne peut prendre en compte l'ensemble des interactions et des conséquences d'une décision. Chaque discipline scientifique, se bornant à un domaine de compétences, il faut que les citoyens alertent sur les impacts dans d'autres domaines. Un exemple, s'il te plaît ? Celui des OGM est d'actualité. En supposant que des agences indépendantes puissent démontrer l'innocuité à long terme d'aliments génétiquement modifiés, il faudrait encore prouver que cela ne modifie pas la biodiversité et que ça ne ruine pas les petits paysans. Il faudrait prendre en compte l'impact social, écologique, économique. Il faut donc des lieux de débat pluridisciplinaires et avec des citoyens non spécialistes. Ça va générer des tensions. Comme en électricité, c'est la tension entre les pôles qui génère l'énergie. Si la tension est nulle, rien ne se produit, ni chaleur, ni mouvement, ni lumière. Ça m'inquiète toujours quand il n'y a pas de tension dans un groupe humain. Ça veut dire qu'il est sous la dépendance d'un gourou, qui réduit la diversité à « on pense tous pareil ». C'est un mirage fusionnel. A contrario, s'il se produit un arc électrique, une surtension comme dans un court-circuit, l'énergie se libère brutalement, elle n'est pas productive. Elle provoque des dégâts humains et matériels. L'enjeu, c'est donc de mettre en place, depuis le groupe de voisins jusqu'aux débats nationaux, des lieux d'échange, de débats régulés, permettant cette confrontation d'idées qui peut être vigoureuse, mais sereine, parce qu'à la recherche de l'intérêt général. C'est bien naïf pour ceux qui ne recherchent que la satisfaction personnelle. Et comme ce sont souvent ceux-là qui sont aux manettes, cela explique pourquoi le système continue, d'autant qu'il y a encore peu d'opposition collective. Les contestataires de l'ordre établi sont disséminés, individuels, et ne représentent pas encore une force politique collective. Quel serait ton slogan ? Un toit pour tous, un emploi pour tous, une vie digne pour tous, une éducation pour tous. Il y a heureusement de nombreux groupes qui œuvrent dans ce sens. En fonction de sa sensibilité, chacun peut s'investir dans ce qui lui paraît le plus prioritaire, ou le plus près de ses compétences, de sa disponibilité. Quel enjeu ? Ne pas se dessaisir des questions essentielles sur nos représentants élus. Nous devons, en tant que citoyens, contribuer à la préparation des décisions locales, régionales, nationales, par des actions collectives qui privilégient l'intérêt général et non la satisfaction de tel ou tel lobby influent. Comment se regrouper puisque les partis politiques ne sont plus crédibles aujourd'hui ? En rejoignant les mouvements qui s'organisent pour défendre une cause. Et nous avons vu qu'il en existe des milliers. Bien sûr, cela contraint de sortir de chez soi, d'aller chercher des informations, de débattre et mettre en œuvre ensemble des actions au lieu de rester collé devant la machine à décerveler que représentent la plupart des programmes TV. C'est moins confortable, surtout l'hiver. Bien sûr. Mais n'oublions pas que nous devons notre confort à tous ceux qui se sont engagés pour sortir du servage où nous condamnait la féodalité. C'est à nous maintenant de préparer le cadre de vie des prochaines générations pour ne pas leur léguer un monde pollué, profondément inégalitaire et destructeur. Quel chantier ?